Il regardait fixement, sur la berge en face, un pêcheur à la ligne, immobile. Soudain, le bonhomme enleva brusquement du fleuve un petit poisson d'argent qui frétillait au bout du fil. Puis, il essaya de retirer son hameçon. Le tordit, le tourna, mais en vain. Alors, pris d'impatience, il se mit à tirer, et tout le gosier saignant de la bête sortit avec un paquet d'entrailles. Et Paul frémit, déchiré lui-même jusqu'au cœur. Il lui sembla que cet hameçon, c'est son amour, et que, s'il fallait l'arracher, tout ce qu'il avait dans la poitrine sortirait ainsi, au bout d'un fer recourbé, accroché au fond de lui, et dont Madeleine tenait le fil. Une main se posa sur son épaule. Il eut un sursaut, se tourna. Sa maîtresse était à son côté. Ils ne se parlèrent pas. Elle s'accouda, comme lui à la balustrade, les yeux fixés sur la rivière. Il cherchait ce qu'il devait dire et ne trouvait rien. Il ne parvenait même pas à démêler ce qui se passait en lui. Tout ce qu'il éprouvait, c'était une joie de la sentir là, près de lui, revenue, et une lâcheté, honteuse, un besoin de pardonner tout, de tout permettre, pourvu qu'elle ne le quittât point. Enfin, au bout de quelques minutes, il lui demanda d'une voix très douce, « Veux-tu que nous en allions? Il ferait meilleur dans le bateau. » Elle répondit, « Oui, mon chat. » Et il aida à descendre à l'aïeule, la soutenant, lui serrant les mains, tout attendrie, avec quelques larmes encore dans les yeux. Alors, elle le regarda en souriant, et ils s'embrassèrent de nouveau. Ils remontèrent le fleuve tout doucement, longeant la rive plantée de sol, couverte d'herbes, baignée tranquille dans la tiédeur de l'après-midi. Lorsqu'ils furent revenus au restaurant Grillon, il était à peine 6 heures. Alors, laissant leur yole, ils partirent à pied dans l'île, vers Beson, à travers les prairies, long des hauts peupliers qui bordent le fleuve.